Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchie, c'est vachement toujours de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 352 sur RIG en direct à Blanquefort, donc dans la région bordelaise. Vous nous captez sur la FM sur 90.7 et pour le reste de la France, de l'Europe, du monde, de l'univers, c'est sur www.rigfm.fr. On accueille une nouvelle venue, elle s'appelle Victorine. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire voilà, parce que c'est une jolie femme, tu parles d'elle, tu dis qu'elle a un site qui s'appelle Miss Beatles, et puis moi tu parles jamais de moi parce que je suis un garçon. Ben ouais, j'ai mes chouchous, voilà, c'est comme ça. Donc salut à toi Victorine, si tu es à l'écoute dès 20h, j'espère qu'on va se retrouver sur Facebook, car on peut se parler dans le groupe La Saga des Fab Four, également sur macablog.com, dans le groupe La Saga des Fab Four, et sur Twitter si vous le souhaitez, avec le hashtag Saga Fab Four. Voilà, quel est l'album de la semaine de cette semaine? Eh bien, c'est un petit peu le moins Harrison quand même, on lui rend hommage, et j'ai choisi de vous faire profiter du concert Fort George. Et pour la peine, tous les post-Beatles seront en concert. Oui, tous. Le concert Fort George, on écoutera les chansons, je vous dirai qui après, plus tard. Here Comes the Sun, My Sweet Lord, Old Brown Shoe, Horse to the Water, ça c'est le petit plus que je suis allé chercher sur le DVD. Isn't It a Pity? While My Guitar Gently Weeps, on ne pouvait pas rater celui-là. Et on terminera avec le Wah, qui est vraiment un grand, grand morceau de George Harrison. Pour les autres, il y aura par exemple Ringo Starr, The No No No Song en live. Pour John Lennon, ce sera Imagine en live. Et pour Paul McCartney, j'ai choisi de vous faire profiter de High Heel Sneakers en live sur l'Unplugged de 1991. Pour les Beatles, on profitera de l'album Love, ressorti en 2011 avec ce titre, Blackbird Yesterday. Ou Yesterday Blackbird, je me demande si je ne me suis pas planté en écrivant ça. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, on est ensemble pour 2 heures, profitez-en et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, parce qu'il y en a certainement aujourd'hui encore. C'est la 34e édition de la saga des Fab Four et elle commence maintenant. En live, Joe Brown pour commencer. Here Comes the Sun au concert pour George, sorti en 2003. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. ready, Bill. Smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, uh-huh. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. York to Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. From Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. Then he held out some moonshine whiskey, oh. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. No more, I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. Take it away, Billy Preston. Ringo Starr, cette chanson date de 1974, elle était sur l'album Goodnight Vienna, mais là il a reprise, c'est sur l'anthologie So Far de 2001, donc c'est entre 1989 et 2001, puisque c'est le moment où il a commencé à reprendre les tournées avec un grand succès, puisque ça marche vraiment très très bien son idée. Lui, il a dit, Ringo Starr, j'aime bien être dans un groupe, donc je fais pas des tournées pour qu'on ne chante que du Ringo Starr, ce qui est dommage, mais quand on voit le groupe qu'il arrive à avoir, il y a eu un membre des Eagles, il y a eu un membre de Supertramp, il y a plein de gens, je ne vais pas tous vous les citer, je ne les ai pas sous les yeux, mais c'est toujours des groupes très très intéressants. Colin Hay de Men at Work par exemple, qui chantent leur tube des années 80 ou trucs comme ça, et ce sont de toute façon d'excellents musiciens qui passent, je pense qu'on passe un très bon moment avec Ringo Starr, et il me manque encore Ringo Starr. La dernière fois il est venu à Paris, je n'ai pas eu le temps de me dégager pour aller le voir. J'espère qu'à son prochain passage en France j'en serai, j'espère. Voici John Lennon sur RIG avec Imagine en live. Imagine there's no heaven. Easy if you try.

Alors même si George Harrison n'était pas présent au début de l'émission, mais on chantait pour lui par l'intermédiaire de Joe Brown, même s'il y a eu ensuite Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney, si on additionne les quatre, ça donne les Beatles. Si on parle des Beatles, on est obligé de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable de Beatles Magazine à Londres. Grâce à elle, vous pouvez savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout sur les Beatles, sur John Lennon, sur Paul McCartney, sur Ringo Starr et sur George Harrison, évidemment en solo. Également les tournées de Ringo et les tournées de Paul et les gens qui gravitent autour de ces gens-là. Également les animateurs radio, et il y en a autour du monde qui sont associés à Lovely Rita et au Beatles Magazine, dont votre serviteur. Et vous pouvez aller sur BeatlesMagazineUK.com, je répète, BeatlesMagazineUK.com. C'est sur Facebook, c'est sur Google+, c'est sur Twitter, c'est sur plein de plateformes, et vous savez tout, 24 heures sur 24, il y a des millions de visiteurs. Merci à elle, merci à Beatles Magazine, merci Lovely Rita. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Oui, c'est bien donc Blackbird, avec un petit bout de Yesterday dedans, sur RG. C'est extrait de Love. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Je rigole tout seul et je vous présente mes excuses. Ça m'apprendra à ne pas écouter les chansons avant. Ça n'était pas Blackbird avec un petit bout de Yesterday. C'était un petit bout de Blackbird avec beaucoup de Yesterday. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des chansons sur cet album-là, Love, qui commence avec la chanson qu'on connaît. Et à la fin, il y a des petits rajouts. J'ai cru que c'était comme ça. Ça m'apprendra. Voilà. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est The Concert for George, sorti en 2003. On écoute tout de suite la prestation ô combien génial de Billy Preston sur My Sweet Lord. Vous êtes sur RIG, c'est 90.7 pour la FM, c'est www.rigfm.fr pour le reste du monde, et c'est tous les mercredis comme ça, de 20h à 22h. Thank you. sweet love. Oh, my love, my sweet love. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my love. My sweet Lord, my Lord, oh my Lord, I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. starched white shed. You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play. Vous voulez bien qu'on reste avec George Harrison? Something, je sais que ça va plaire. Il n'y a pas de qualificatif qui manque sur Facebook. Le slow du siècle pour Bernard, The Love Song pour Nathalie, ma préférée pour Victorine. Bref, tout le monde aime cette chanson Something. Et c'est vrai que à ce moment-là, dans ces années-là, en 69, eh bien, monsieur, même avant, en 68 déjà, monsieur George Harrison avait rejoint Paul McCartney et John Lennon au niveau de la qualité de ses compositions. C'est vraiment, vraiment du très, très, très, très haut. La chanson suivante, je fais encore une fois une exception. Je ne l'ai jamais passé, je crois, parce qu'il me semble qu'il y a un bout de Mademoiselle Y dedans. Et je vais faire un effort, juste pour vous prouver que je suis capable de le faire quand même. C'est en live, c'est John Lennon, bien entendu, et c'est... extrait de l'anthologie 2 à New York en 98. Elle est sortie cet album, cette anthologie-là, et c'est Attica State en live sur RIG. On va dire que sur cette version-là, ça va, on n'entend pas beaucoup Miss Yoko, donc tant mieux. Allez, on apprend à compter. 1, 2, 3, 4, R.I.G. Ship. Boom, boom, boom. chanson telle que Paul McCartney sait les faire bien, bien, bien. Une chanson. Moi, j'imagine, quand j'entends cette chanson-là, quand je chante cette chanson-là, je nous imagine autour d'un feu à la plage. Il fait nuit. On a allumé un feu. On n'a pas le droit, mais on va dire qu'on s'imagine comme ça. Et on chante tous ensemble. Voilà. Et c'est beau. Il fait beau. Il fait chaud. Les femmes sont belles. Les garçons aussi. Et tout va très, très bien. Allez, l'album de la semaine, c'est l'album The Concert for George. Et le troisième extrait, c'est Gary Brooker qui nous le chante. Old Brown Shoe sur RIG. I want to love this right, but that is only half of what's wrong. I want a short-haired girl who sometimes wears it twice. Old brown shoe, baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same now, I'm telling you. You know you pick me up from where some try to drag me down. And when I see your smile, replacing every thoughtless frown. I'll be escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same now I'm loving you. When I grow up, I'll be a singer. Wearing rings on every finger. Not worrying what they or you say. I live in love and maybe someday. Who knows, baby?

légende dit que McCartney aurait demandé à l'ingénieur du son combien de temps maximum on pouvait mettre sur un 45 tours. Il lui a dit un truc du genre 7 minutes 12 secondes, un truc comme ça. Eh bien, il a fait durer la chanson 7 minutes et 12 secondes pour prendre l'intégralité de la place du 45 tours. C'était ça les défis de Paul McCartney. Et puis, c'est dommage, je ne l'ai pas retrouvé parce que c'est difficile de faire l'animation radio et également de chercher les dessins. Mais j'avais vu un dessin en anglais très très drôle au sujet de cette chanson-là. Tu avais les 4 Beatles, enfin... Paul au piano, les trois autres à côté du piano en train d'écouter Paul. Et Paul qui est en train de dire, alors je vous le traduis en français directement, « Les gars, je sèche un petit peu là, vous avez une idée des paroles là maintenant que je pourrais rajouter ?» Et Harrison, Starr et Lennon de faire « na, na, na, na ». Ben voilà. Alors si vous n'avez pas compris, je vous réexpliquerai plus tard. Tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi. Bon, maintenant je suis un peu vieux, mais bon, c'est Ringo Starr qui le chante. A dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're all rivers and kills. Ooh, what a girl! Eyes that sparkle and shine. Baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, when we kissed, I could not stop. You walked out of my dreams and into my car. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, take me to heaven, Florence. Could not stop. You walked out of my dreams and into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, so beautiful, and you're mine. Keep it rolling. I love that bit. Okay, before we making love underneath the bed, shooting stars from a purple sky. Well, I don't care. I went to wed. I'm a man on a flaming pie. I stick my tongue out and lick my nose. Took my shirt in and zip my fly. premier carnet, bien sûr, Flaming Pie, extrait de l'album Good Evening New York City, sorti en 2009. Je vous propose de revenir deux fois sur l'album de la semaine, puisque en théorie, après la prochaine chanson, c'est la cover. Et bien, comme là, l'album de la semaine, c'est une cover en règle générale, j'ai mis les deux chansons l'une à la suite de l'autre. D'abord, Billy Preston et Isn't It a Pity, et Sam Brown, je suis allé chercher le son sur le DVD avec A Horse to the Water, car sur l'album, il n'y est pas. Les deux à la suite. RIG 90.7, la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four ce soir jusqu'à 22h. Each other's heart and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Things take so long, but how do I explain? When not too many people can see we're all the same, and because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? Each other pain, and because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? Please welcome Ringo Starr. Thank you. Pardon Ringo, j'avais pas fait attention que tu n'étais pas là en fait. Non. Non, maintenant c'est autre chose, c'est Sam Brown. Beaucoup, très joli. Can't make him drink. Oh no, oh no.

Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Well, everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna jump and shout. Everybody gonna sing it out. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come over my place if you want to. You can do anything you want to do. Well, everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around tonight. Yeah. Everybody gonna feel alright tonight. La la saga, c'est la saga, c'est la saga. Les paroles. Let's go. George a apporté ça aussi aux Beatles, ce côté Inde qu'ils n'auraient peut-être pas eu sans George. Et George a composé l'une de ses plus belles chansons. Alors pour Victorine, sa chanson préférée c'est Something, je le sais depuis peu pour l'avoir lu sur Facebook. Pour moi, ma chanson préférée, si je devais en sortir une, hein, parce que c'est franchement difficile d'en sortir une, eh bien, c'est While My Guitar Gently Weeps. George était en train de lire le Yi Qing, le livre chinois des transformations, et il décida d'appliquer son concept fondé sur le hasard à la composition. Un jour, il prit un roman sur une étagère, décidé à composer une chanson à partir du premier mot qu'il lirait. Ces mots furent « Gently weeps », pleure doucement. Et George se mit à écrire. Il commença à enregistrer en juillet 68, mais trouva que les autres Beatles n'accordaient pas suffisamment d'intérêt à sa chanson. en septembre, il reprit l'enregistrement avec son ami Eric Clapton à la guitare, et là, ça a donné cette superbe chanson. On écoute l'interprétation que font Eric Clapton, justement, et Paul McCartney dans ce fameux concert pour George. Et c'est sur RIG, c'est 90.7 pour la bande FM, et c'est www.rigfm.fr pour le reste du monde. Sleeping while my guitar gently weeps. back home in Liverpool. My mama told me I was great. And then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by the hand. And you know what she told me? I was great. I was in the greatest show on earth. For what it was worth. Écoutez la chanson, vous avez une date, une année en tout cas, pour savoir quand il l'a chantée. Puisqu'au lieu de dire « Now I'm 32 », qui correspondait à l'original en 1973, il dit « Now I'm 52 ». Il avait 52 ans, Ringo Starr, en 1992. Donc ce live date de 1992. Attention, grand moment, monsieur, dame, grand moment. Extrait de l'album « Wings Over America », l'une des plus belles chansons. Maybe I'm Amazed. Montez le son au maximum. Il a la voix la plus extraordinaire du monde. C'est Paul McCartney sur RIG. L'extraordinaire concert, CD en tout cas, Wings Over America. C'est un album qu'il vous faut absolument, et surtout la remasterisation, parce que avant le son était un peu lourd, et là depuis la remasterisation c'est absolument fantastique. Il faut avoir ce CD. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé? Parce qu'il me fallait arrêter le CD, il fallait absolument que je mette autre chose, sinon si vous me laissiez aller, moi je faisais le reste de l'émission avec ce concert là. Et on revient aux Beatles avec Don't Let Me Down. Très bon choix. Extrait de Let It Be Naked sur RIG. Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Musique, voici le dernier extrait. Wawa, bien entendu. Montez le son au maximum. Toute l'équipe est là. C'est Eric Clapton and the Band, carrément, sur RIG. Ça, il faut le voir sur le DVD, c'est merveilleux. Thank you. I just wanted to say... But before we go, we want to thank a lot of people to bring you this big show. We have the people out on the sound, on the video, on the lights, on all the screens, on the guitars, on the keyboards, the drums. We have the best crew on the planet! And I want to just say also, say thanks. dépasser un petit peu. Et dans quelques secondes, ça va être également très très bien. L'incroyable émission Johnny de A à Z, animée par Eric en personne. Il est présent dans le studio. A très bientôt. Merci les filles. Grosse bise. Foyer de mon garçon. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Ah tiens, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Eh oui, c'est comme ça. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres aventures. Salut, ciao.